Bonjour et bonsoir, cela dépend de l'endroit où vous vous situez. Bienvenue, chers auditeurs de la radio Sanganiyo, dans l'émission Forum Jeune. La semaine dernière, le médiateur dans le conflit burundais, Benjamin Mkapa, a effectué une visite au Burundi. Il s'est entretenu avec plusieurs acteurs de la vie politique au Burundi, des ambassadeurs, des leaders de confessions religieuses, des les autorités du pays au sommet, le président de la République, Pierre Nkurunziza. Aujourd'hui, avec sa position tranchée sur certaines questions, certains pensent que le médiateur aura du mal à recevoir les doléances de toutes les parties au dialogue. D'autres encore pensent que le processus risque de prendre encore plus de du temps malgré le souhait du bureau du médiateur de clore ce dialogue d'ici juin 2017. Face aux inquiétudes des uns et des autres, dans Forum Jeune d'aujourd'hui, nous accordons la parole aux jeunes affiliés aux partis politiques pour échanger sur leur perception sur la suite réservée à ce dialogue d'Arusha attendu par plusieurs politiciens burundais. Et pour en parler, nous avons trois invités au studio. J'accueille Janvier Senguiyumva, il est vice-président de la Ligue des jeunes du parti CNDD-FDD à mairie de Bujumbura. Bonjour et bienvenue dans cette émission Forum Jeune. Bonjour. Et notre invité, c'est Arnaud Irakoze, il est président de la jeunesse du parti Uprona. Bonjour et bienvenue dans cette émission Forum Jeune. Bonjour et merci pour l'invitation. Et on attendait encore Kanani Aimé de la Ligue des jeunes du parti MRC, mais il a décommandé à la dernière minute, donc nous aurons seulement deux invités. Et dans quelques instants, nous allons entamer notre émission. Et je vous rappelle qu'au micro, vous êtes avec moi, Pacifique Chubahiro, Eric Wimana assure la mise en onde. Isanganiro, la radio de l'avenir. Je commence par Senguiyumva, vice-président de la Ligue des jeunes du parti CNDD-FDD à mairie de Bujumbura. Après l'entretien du médiateur avec plusieurs autorités, dont le président du parti CNDD-FDD, il semble que le CNDD-FDD se réconforte de la position de la médiation et la manière dont on voudrait bien conduire les débats. À votre avis, c'est la satisfaction? Quelle a été votre perception par rapport à cette visite? Merci de m'accorder la parole. À ce qui concerne le dialogue inter-burundais en tant que jeune, pour moi, je trouve que en tant que jeune, c'est un dialogue qui a eu un faux départ. Un faux départ comment? C'est un dialogue dans lequel on avait écarté les problèmes de la jeunesse liés les problèmes de chômage, les problèmes d'incapacité d'autodéveloppement de la jeunesse, lesquels il fallait trouver solution dans ce dialogue. J'aimerais signaler que la jeunesse, en réalité, n'a pas besoin de dialogue politique, mais plutôt a besoin d'un dialogue sur l'élaboration d'un plan d'entrepreneurship la jeunesse, en réalité, a besoin de lutter contre le chômage et lutter pour le développement du pays. Concernant les conclusions de Mkapa, le médiateur inter-burundais, je trouve, plutôt je soutiens sa position qui prône sur le dialogue entre guillemets des adultes, parce qu'il n'y a pas de la jeunesse là-dedans, qui prône sur le dialogue des adultes, bien sûr, le dialogue inclusif sans putschiste et sans promoteur de la manifestation violente de 2015. Voilà, nous y reviendrons, c'est proche du parti CNDD-FDD. Arnaud, au niveau du parti UPRONA, au niveau des jeunes du parti UPRONA, comment vous avez accueilli les différents entretiens du médiateur avec les différents acteurs politiques, et surtout sur sa position par rapport à certaines questions? Effectivement, comme vous le dites, la semaine passée, le médiateur Mkapa était ici au Burundi. Et nous, pour la jeunesse du parti UPRONA, le médiateur a donné ses positions. Et les positions qu'a données le médiateur se rejoignent avec les positions du parti UPRONA. En effet, le médiateur a dit qu'il faut respecter la légalité. Alors ici, il a voulu montrer à ces personnes-là qui disent que le gouvernement actuel est inconstitutionnel, le gouvernement actuel est légitime, qu'ils ont tort. Pourquoi ? Parce qu'il y a le respect de la légalité qui doit fonder tout objet de discussion. Et puis le médiateur a appelé tous les partis au refus de la violence. Et puis ça, c'est très normal. Nous, en tant que jeunes du parti, prenant le parti qui fait du dialogue un principe en politique, le parti qui fait du dialogue en principe dans la vie politique, le parti de la légalité, le parti qui a toujours prôné le refus de la violence, nous réjouissons avec la position du médiateur. Le médiateur a voulu lancer un clin d'œil à ses hommes politiques, à ses leaders politiques, qui cherchent des objets de discussion dans le dialogue qui ne devraient pas faire objet de discussion. Parce qu'ici au Burundi, le problème n'est pas ethnique, n'est pas politique. Avec tout ce qui s'est passé avec 2015, on a vu que le vrai problème, c'est qu'il y avait des leaders politiques qui ont engagé les jeunes dans des mouvements d'insurrection. Et pourquoi est-ce qu'ils ont fait cela? C'est parce qu'on a vu qu'ici au Burundi, les jeunes sont dans une misère économique. Et puis, vous savez que la majorité de la population ici est composée par la jeunesse, qui compose plus de 60% de la population. Profiter de cette jeunesse vulnérable économiquement, ça a été toujours le fondement des lobbies de certains hommes politiques qui ne veulent pas que la démocratie s'installe confortablement au Burundi, qui ont toujours voulu un gouvernement de transition en ne respectant pas les principes démocratiques et en ne voulant pas participer aux élections. Donc nous disons que ce qu'a dit le médiateur, c'est ce qui devait être dit. C'est ce que les jeunes du parti UPRONA pensent, c'est que c'est la position du parti UPRONA, parce qu'il faut toujours le respect de la légalité et refuser la violence. Et si on essaie de voir dans le passé, c'est que toutes sortes de négociations, ça essaie de réconcilier les parties qui sont différentes au point de vue des positions qu'ils tiennent. Est-ce que le fait de dire que certains groupes sont écartés dans le processus de paix, est-ce que cela ne peut pas biaiser en quelque sorte la prochaine étape du dialogue? Oh, merci pour la question. Ici, il faut donner un point sur lequel tout le monde devait se convenir. L'impunité doit être bannie partout dans le monde. Ce n'est pas ici au Burundi. Ceux qui sont poursuivis par la justice doivent être poursuivis pour le respect de la légalité, pour le respect du peuple burundais. C'est pour que l'impunité ne s'installe pas encore davantage ici au Burundi. Vous savez que depuis 1993, ces hommes-là qui disent qu'il y a risque de jeunesse, par exemple, ici au Burundi, ce sont eux-mêmes qui sont poursuivis, même si les dossiers ne sont pas encore suspendus. C'est eux-mêmes qui sont les auteurs de certains actes de criminels qui ont été perpétrés en 1993. Dire que le médiateur a essayé d'écarter certaines personnes, c'est faux, parce que quand vous êtes poursuivi, vous devez répondre devant la justice, et s'il ne se reproche rien, n'est-ce pas, il devait coopérer avec la justice. Dire que le médiateur aurait écarté certaines personnes, c'est faux, parce que il a été un homme de principe et qui veut que l'impunité ne s'installe davantage ici au Burundi et qui ne s'installe pas davantage au monde. C'est la même question. Je pense que M. Janvier pourra nous donner plus de réponses. Au niveau du CNDD-FDD, on dira si le médiateur burundais, dans le conflit burundais aujourd'hui, tranche et dit que ceux qui sont poursuivis par la justice ne peuvent pas faire partie du dialogue. Et certains détracteurs diront non, même dans le passé, les gens qui étaient poursuivis, même certains qui avaient déjà des affaires en justice déjà clôturées, ont ont pu accéder à ces négociations et devenir des dirigeants du pays, que cela ne pourrait pas être un obstacle pour inclure ces personnes. Comment vous percevez ces avis qui sont un peu contradictoires à ceux du médiateur? En fait, pour notre position, je pense que l'OSG du parti a déjà éclairé sur ça. Le secrétaire général. Oui, le secrétaire général. Et entre la justice et l'impunité, le choix est clair. Parce que on a constaté que si nous continuons à laisser les gens faire de quoi, de ce qu'ils veulent, donc c'est là où nous incitons à continuer à faire des dégâts humains, à détruire notre pays. Donc, par exemple, vous avez vu en 93, on a tué notre président Ali. Et après, il y a eu un mouvement de résistance jusqu'en 2003 lorsqu'on a signé les accords de cessez-le-feu. Mais pour le moment je pense que c'est pas le même cas de la crise de 93 au 2003. Tu vois? Qu'est-ce qui fait la différence? Bon, parce que en 93 on avait tué le président de la République et le peuple a dit non, tu vois. Mais cette fois-ci, il y a les putschistes qui ont tenté aussi, encore une fois, tuer le président de la République, qui sont... Faire un coup d'État. Oui, faire parce un coup d'État. Parce que le président était déjà un peu à l'étranger, il n'était pas... Oui. Et c'est pourquoi ce sont deux scénarios différents. Est-ce que ça revient au parti CNDD de trancher, de dire que ces gens sont à écarter, ou bien ça peut aussi provenir des discussions, dire que si nous voulons la paix, peut-être qu'il faut les écouter et dans une certaine mesure prendre une autre décision que écarter ces gens? Pour nous, nous nous demandons pourquoi ils demandent le dialogue après avoir échoué. Pourquoi avant ils n'ont pas venu dire il y a un problème? Si il y avait entre guillemets un problème de mandat, il allait dire ça auparavant, tu vois, et lire ce que dit la loi. Et la loi était là pour trancher. Sinon, si vous portez n'importe comment et après avoir échoué, vous demandez, vous faites recours au dialogue, vous faites recours aux négociations. Ce n'est pas le moment opportun pour continuer à donner la place aux malfaiteurs du pays. Voilà, en fait, ma contribution, c'est ça. Alors, est-ce que vous ne voyez pas que cela peut constituer une entrave et mettre le Burundi dans l'incertitude par rapport à la recherche de la solution durable par rapport à cette crise? Tout d'abord, je dois faire un éclaircissement. Alors, les personnes qui se sentent écartées, ce sont ces personnes qui sont poursuivies par la justice burundaise. Ouais. Il y a des mandats qui sont émis contre ces personnes. Et certains diront que dans ces circonstances, la justice est mêlée à la politique et que des fois, il faut faire des concessions. Je continue. Alors, pour l'honneur du peuple burundais, pour l'honneur de la justice burundaise, nous devons apprendre, n'est-ce pas? Nous devons apprendre à certaines personnes qui pensent qu'ils ont des mobiles politiques pour se soustraire à l'action de la justice. Il faut leur dire que nous sommes au XXIe siècle. Tout ça, fonder des mobiles, chercher des mobiles politiques pour se soustraire à la justice, c'est ça, c'est fini. Il faut bannir ce comportement. Nous savons bien que les hommes politiques ont plusieurs mobiles, n'est-ce pas? Ils ont plusieurs mobiles pour arriver au pouvoir, ils ont plusieurs raisons pour commettre des forfaits et faire négocier et arriver au pouvoir. Nous devons apprendre à ces... La raison, elle est celle-ci. Ils ont raté le coup d'État de 2015. Et s'ils avaient réussi, qu'est-ce qui se serait passé? Alors, nous devons apprendre aux gens que nous sommes au XXIe siècle et que le pouvoir, c'est dans les urnes. Ce sont les élections, c'est le peuple qui décide. Alors, dire qu'il faudrait inviter ces personnes, c'est en même temps décourager la justice burundaise, c'est en même temps cultiver la culture de l'impunité, c'est en même temps montrer à nous les jeunes, générations futures, nous les jeunes d'aujourd'hui et de demain, que nous aussi, nous pouvons commettre un forfait et puis nous allons négocier, nous allons appeler un médiateur. Il faut en finir avec tout ça. Nous souffrons de ces actes d'impunité. Il faut que ça se termine. Il faut que les gens sachent que les temps sont évolués. Il faut qu'il y ait respect de la légalité. Il faut qu'il y ait respect de la justice burundaise. Il faut qu'il y ait le respect du peuple burundais. Et c'est le peuple qui a le dernier mot. Et justement, par rapport, quittons cette page, par rapport à ces personnes qui sont écartées, mais une fois que le dialogue est relancé, combien de temps ça pourrait prendre? 6 mois, c'est raisonnable en tant que jeune. Et combien de temps voudriez-vous que ça prenne pour que finalement cette crise trouve une issue favorable? D'abord, je veux aussi donner une précision. Ce n'est pas le médiateur qui a écarté ces personnes. Ce sont ces personnes qui sont écartées de leur propre volonté. Et dire que c'est eux qui... S'ils n'avaient pas commis ces forfaits, ils seraient peut-être invités comme les autres. Mais fonder, donc chercher à commettre un forfait et négocier après, chercher à négocier, à dialoguer après, c'est ce qu'il faut changer. Alors, dire combien de temps il faut pour un dialogue, le dialogue d'abord il est permanent, et c'est pourquoi nous disons que il appartient au peuple burundais, n'est-ce pas? Il appartient au peuple burundais de prendre les choses en main. C'est pourquoi même nous ne voyons pas l'intérêt de ce dialogue. Il faut que ce dialogue soit rapatrié. Et puis les Burundais savent comment dialoguer. Pour ce dialogue, il faudrait par exemple inviter le gouvernement, tous les partis politiques agréés, et la société civile qui n'est pas poursuivie, dont certains membres... Il faut que le gouvernement aussi vide le contentieux avec certaines associations. Il faut aussi avec certaines radios qui sont poursuivies aussi. Il faut que ce contentieux justice se termine. Et les Burundais eux-mêmes vont chercher un chemin. Et nous approchons les élections de 2020. Et on va dialoguer. Et puis, il faut préparer un environnement favorable aussi pour les élections. Le temps file. Par rapport au temps, Monsieur Janvier, est-ce que c'est pour un jeune qui a vécu dans une période de trouble, même avant cette crise de 2015, il y a eu d'autres, est-ce que vous ne voyez pas que ça vaut la peine que ça prenne un temps raisonnable pour que ça puisse finalement prendre fin? Oui, je pense que... D'abord, comme mon ami a dit, qu'il faut rapatrier ce dialogue rapidement. Parce que à Arusha, il n'y a pas à négocier. Les Burundais, la majorité des Burundais, se trouvent ici au Burundi. Les gens qui ont les problèmes différents, ils sont ici au Burundi. Mais il y a certains politiciens Mais qui certains sont... Certains politiciens qui sont en exil, ils sont siégés. Ils sont chez eux. Ils ont double nationalité, triple. Mais ce n'est pas tout le monde. Et s'ils ont une double nationalité, c'est un droit qu'ils ont selon les législations des différents pays. Essayez de faire la liste. Mais s'ils réclament aussi de revenir au Burundi, c'est qu'ils Mais en ont ils droit, sont, peut-être. Ils sont chez eux. Si le Burundi était son pays, donc leur pays, plutôt si, donc, entre ces promoteurs, entre guillemets, Burundais en exil, soi-disant en exil, s'ils étaient réellement Burundais, ils n'allaient pas commettre les mêmes erreurs de 1993, voire même avant. Et s'ils ont commis des erreurs, peut-être entre guillemets, donc ils se sont déguisés. Les écarter aussi, ce ne serait pas aussi une autre erreur. Mais personne les a écartés. Serment, c'est la loi, c'est la justice. Justement, par rapport à autant que ça pourrait prendre ce dialogue en tant que jeune, comment quel est votre souhait par rapport au temps que ça pourrait prendre? Bon, en Kirundi, on dit nos grands-pères avaient déjà dit Ivigi Inam. C'est le dialogue de tous les jours. Tu vois, le dialogue au quotidien, pas le dialogue d'Arusha. Ce que moi je prends pour le rapatriement rapide de ce dialogue et faire la promotion ou sensibiliser à la culture du dialogue inter-Burundi au Burundi. Voilà. Est-ce que ça, c'est à votre avis, ça peut facilement résoudre tous les problèmes que nous avons aujourd'hui? Oui, si tu essaies de comparer la situation d'avril 2015 jusqu'au mois d'août, ou voire même mois de novembre 2015 et l'année 2016. Comment tu trouves? En mairie, maintenant, tous les citadins voient qu'à leurs activités. Voilà. Donc, pour moi, si nous... Ouais, pour nous, nous continuons à faire le dialogue inter-burundais ici au Burundi, c'est là où nous allons trouver réellement les solutions burundaises à la burundaise. Rapatrier le dialogue, que ce soit un dialogue burundais, qui ne doit pas passer par l'étranger. Arnaud, qu'est-ce qui pourrait aider à une meilleure compréhension commune sur toutes les questions qui divisent les politiciens aujourd'hui et qui pourrait, dans l'avenir, promettre un avenir meilleur aux jeunes? Alors, pour répondre à cette question, j'aimerais d'abord interpeller tous les hommes politiques burundais. De se surpasser, de se surpasser, de faire du respect de la loi, du refus de la non-violence des principes. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est que j'aimerais inviter tous les leaders politiques de prendre en conscience qu'il s'agit des hommes, des femmes, qui sont des pères, qui sont des mères aussi. Des fois, ils instrumentalisent la jeunesse en les invitant dans des actes de destruction, par exemple. Il faut qu'ils pensent à eux et que nous, les jeunes, on en a marre avec ces questions politiques maintenant où on prend comme des tremplins pour arriver à avoir quelque chose. Il faudrait que nous, les jeunes, ce qui nous intéresse, c'est qu'il faudrait nous apprendre l'entrepreneuriat, les projets d'autonomisation. Il faudrait que la culture du respect des droits socio-économiques soit garanti ici au Burundi. Il faudra apprendre aux jeunes aussi de s'intéresser plutôt aux droits socio-économiques. Et pour ces personnes-là qui disent que le dialogue, c'est la voie de solution, oui, nous sommes d'avis. Mais dialoguer sur quoi? C'est ça le vrai problème maintenant. Maintenant, la question sur laquelle on devait fonder dialogue, c'est l'environnement. Voilà pour les élections de 2020. Le retour des réfugiés, de certains réfugiés qui ont fui le pays. Mais également, il faudrait aussi que le gouvernement vide des contentieux à rapport avec les associations et aussi la société civile qui ont des dossiers pour que le dialogue puisse continuer normalement. C'est ça. Merci. Voilà, c'est la fin de notre émission Forum Jeunes d'aujourd'hui. Je remercie nos invités, Janvier Senguéyoumba, vice-président de la Ligue des Jeunes du Parti CNDD-FDD à mairie de Bujumbura. Merci pour avoir répondu à notre invitation. Je vous remercie moi aussi. Merci également à Arnaud Irakoze, président de la jeunesse du parti UPRONA. Je vous remercie également. On aurait aimé avoir M. Kanani Aimé, président de la Ligue des Jeunes du parti MRC, mais à la dernière minute, il a eu un problème, un empêchement. Mais qu'à cela nous tienne, nous vous remercions vous tous qui étiez à l'écoute de la radio Sanganeo dans cette émission Forum Jeunes. Au micro, vous étiez avec moi, Pacifique Chubahiro. Je rappelle qu'on échangeait à propos de la suite réservée au dialogue d'Arusha après la visite du médiateur dans le conflit burundais, Benjamin Mukapa. Rick Wimana serait la mise en onde. Forum Jeune, un prochain rendez-vous est fixé lundi.